Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour nous. Et je crois qu'il est ici. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Machine.